Salut, comme tous les dimanches à 21h sur le 100 FM de Radioactive à Toulon et partout ailleurs sur Internet. Votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, c'est donc Lost in Space qui attaque immédiatement et qui va attaquer avec quoi ? Avec les Dead Kennedys qui vont nous parler de déchets chimiques, chemical warfare. C'est parti. Keep them up, gases. Got a day to die, but I keep trying to rest. Been sitting there for years, I'm gonna have at it. I got through the fence, I went in and grabbed it, crazy. Now I got my own bus, I guess, in my pocket. Look at them on the tree, and the branch, and the rabbit. I'm a country girl for the Saturday government. So I know I can die. Took the chicken and the bus go crazy. Crazy. Chemical warfare, chemical warfare, chemical warfare, warfare, warfare, chemical warfare. Stop panic!

Mais à peine entré dans la haute pièce sévère et drapée, la clarté joyeuse du ciel s'atténuait, devenait douce, s'endormait sur les étoffes, allait mourir dans les portières, éclairait à peine les coins sombres où seuls les cadres d'or s'allumaient comme des feux. La paix et le sommeil semblaient emprisonnés là-dedans, la paix des maisons d'artistes où l'âme humaine a travaillé. En ces murs que la pensée habite, où la pensée s'agite, s'épuise en des efforts violents, il semble que tout soit là, accablé, dès qu'elle s'apaise. Tout semble mort après ces crises de vie, et tout repose, les meubles, les étoffes, les grands personnages inachevés sur les toiles, comme si le logis entier avait souffert de la fatigue du maître, avait peiné avec lui, prenant part tous les jours à sa lutte recommencée. Smokey the bitter and uncertain. Une vague odeur engourdissante de peinture, de térébenthine et de tabac flottait, captée par les tapis et les sièges. Et aucun autre bruit ne troublait le lourd silence que les cris vifs et courts des hirondelles qui passaient sur le châssis ouvert et la longue rumeur confuse de Paris à peine entendue par-dessus les toits. Rien ne remuait que la montée intermittente d'un petit nuage de fumée bleue s'élevant vers le plafond à chaque bouffée de cigarette qu'Olivier Bertin, allongé sur son divan, soufflait lentement entre ses lèvres. Thank you. Le regard perdu dans le ciel lointain, il cherchait le sujet d'un nouveau tableau. Qu'allait-il faire? Il n'en savait rien encore. Ce n'était point d'ailleurs un artiste résolu et sûr de lui, mais un inquiet dont l'inspiration indécise hésitait sans cesse entre toutes les manifestations de l'art. Riche, illustre, ayant conquis tous les honneurs, il demeurait, vers la fin de sa vie, l'homme qui ne sait pas encore au juste vers quel idéal il a marché. Il avait été pris de Rome, défenseur des traditions, évocateur, après tant d'autres, des grandes scènes de l'histoire. Puis, modernisant ses tendances, il avait peint des hommes vivants avec des souvenirs classiques. Rien au monde, Rissler n'aurait voulu pleurer en ce moment. Voyez-vous ce marié s'attendrissant en plein repas de noces. Pourtant, il en avait bien envie. Son bonheur l'étouffait, le tenait par la gorge, empêchait les mots de sortir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de murmurer de temps en temps, avec un petit tremblement de lèvres, « Je suis content, je suis content ». Il avait de quoi l'être, en effet. Depuis le matin, le pauvre homme se croyait emporté par un de ces rêves magnifiques dont on craint de se réveiller subitement, les yeux éblouis. Mais son rêve à lui ne semblait jamais devoir finir. Cela avait commencé à 5h du matin et à 10h du soir. 10h très précises à l'horloge de Véfour, cela durait encore. De choses dans cette journée, et comme les moindres détails lui restaient présents. Il se voyait au petit jour, arpentant sa chambre de vieux garçon dans une joie mêlée d'impatience. La barbe déjà faite, l'habit passé, deux paires de gants blancs en poche. Maintenant, voici les voitures de gala, et dans la première là-bas, celle qui a des chevaux blancs, des guides blanches, une doublure de damas jaune, la parure de la mariée s'apercevant comme un nuage. Sous-titrage Société Radio-Canada. puis l'entrée à l'église, deux par deux, toujours le petit nuage blanc en tête, flottant, léger, éblouissant. L'orgue, le suisse, le sermon du curé, les cierges éclairant des bijoux, des toilettes de printemps, et cette poussée de monde à la sacristie, le petit nuage blanc perdu, noyé, entouré, embrassé, pendant que le marié distribue des poignées de main à tout le haut commerce parisien venu là pour lui faire honneur. From someone's eyes, I know it looked much better than what I see right now. Et le grand coup d'orgue de la fin, plus solennel à cause de la porte de l'église, large ouverte qui fait participer la rue entière à la cérémonie de famille, les sons passant le porche en même temps que le cortège, les exclamations du quartier, une brunisseuse en grand tablier de lustrine, disant tout haut « Le marié n'est pas beau, mais la mariée est crânement gentille ». C'est cela qui vous rend fier quand on est le marié. Mais on devinait le philosophe sous le romancier, on voyait la thèse dans l'œuvre d'art. L'affaire Clémenceau contenait en germe l'homme-femme et la femme de Claude. Ai-je besoin de rappeler qu'il s'agit dans le roman d'un enfant naturel, du fils d'une pauvre fille abandonnée qui travaille pour vivre. Clémenceau n'a jamais connu son père. Il est encore tout petit quand, à la pension, ses camarades lui font honte de sa naissance. Il est beau, il est fort, il est intelligent et bon. Dès l'enfance, son génie se révèle. Conduit par hasard dans un atelier de sculpteur, il reconnaît sa vocation. Il est destiné à pétrir la glaise, il est voué au tourment délicieux de fixer dans une matière durable les formes de la vie. Le travail le garde chaste, mais jeune, ignorant et vigoureux, il est une proie dévolue à l'amour. Une nuit, dans un bal travesti, il rencontre une enfant habillée en page et qui accompagne une abondante et magnifique Marie de Médicis, sa mère. Yeah. nothing's gonna change my mind. I won't listen to anyone's last words. There's nothing left for you to say. Soon you'll be dead anyway. Well, no one here is getting out alive. This time I've really lost my mind and I don't care. So close your eyes and get yourself goodbye. And think about the times we spent and what they've been. To me it's nothing. To me it's nothing. To me it's nothing. To me it's nothing. I'm losing all my happiness. The happiness you've been done me. My loneliness still comforts me. My anger wells inside of me. I'm taking it all out on you. And all the shit you put me through. Yo, no one here is getting out alive. This time I've really lost my mind and I don't care. So close your eyes and get yourself goodbye. And think about the times it's been and what they've been. To me it's nothing. To me it's nothing. To me it's nothing. To me it's nothing. Do you ever think back to another time? Does it bring your soul down that you thought you lost your mind? Do you ever want to lead a long trail of destruction and mow down any bullshit back from front to you? All the small things in your head to make one problem that adds up to nothing. To me it's nothing. To me it's nothing. To me it's nothing. Isa, cette enfant est parfaitement belle. Mais ce n'est qu'une enfant. D'ailleurs, elle n'a fait qu'apparaître comme un présage. Elle s'en est allée avec sa mère, la comtesse Dobronowska, une aventurière polonaise chercher fortune en Russie. La comtesse, ne pouvant la marier, essaye de la vendre. Isa lui échappe et, soit amour, soit fantaisie, elle vient demander asile au sculpteur Clémenceau, qui est devenu célèbre en peu d'années. Il l'attendait. Il l'épouse, il l'aime d'un amour à la fois idéal et esthétique. Il l'aime parce qu'elle est la forme parfaite et parce qu'elle est l'infini que nous rêvons tous dans ce rêve d'une heure qui est la vie. Isa, nourrie par une mère infâme, est naturellement impudique, menteuse, ingrate et lascive. Pourtant, elle aime Clémenceau qui est robuste et beau. Mais elle le trahit parce que trahir est sa fonction naturelle. I'm dead inside, but I can breathe. A better off, been too much. A little dead from every touch. I had to run, I had to leave. I'm dead inside, but I can breathe. And south, another horizon, stormbound's moon. trompe l'homme qu'elle aime pour des bijoux ou seulement pour le plaisir de tromper. Elle se donne à des gens célèbres qui fréquentent sa maison, et cela pour le plaisir d'avoir certaines idées quand ces personnages sont réunis le soir à la table dont elle fait gravement les honneurs avec son mari. Elle est comme les grands artistes qui ne se plaisent qu'aux difficultés. Elle croise, complique, mêle ses mensonges. Elle ose tout, si bien que son mari est bientôt le seul homme à Paris qui ignore sa conduite. Il est désabusé par hasard. Il la chasse, mais il l'aime encore. Comment s'en étonner ? Ce n'est pas parce qu'elle est indigne qu'il l'aimerait moins. L'amour ne se donne pas comme un prix de vertu. L'indignité d'une femme ne tue jamais le sentiment qu'on a pour elle. Au contraire, il le ranime parfois. L'auteur de La visite de noces le sait bien. Ce malheureux Clémenceau s'enfuit jusqu'à Rome, où il se réfugie en plein idéal d'art. Il entame une copie du Moïse de Michel-Ange à même le bloc, avec une telle furie qu'on croirait qu'il veut lui-même se briser contre ce marbre qu'il taille. Il a voulu la fuir, mais il l'attend, le misérable. Właśnie mieć z fotokomórką polskiego heavy metalu. Dziewczyn z makijażem, rodziny serialu. Zarządu dróg miejskich fanów Roberta Kubicy, kultury studenckiej, farmazonów o ulicy. smutku i twoich uśmiechów, wdychanych pocałunków, orgazmów na wydechu i każdej minuty, którą zmarnowałem, karmiony kłamstwami, które bardzo wierzyć chciałem. A przede wszystkim nie lubię cię, nie lubię ciebie, bo tak naprawdę nie lubię cię, nie lubię ciebie. A przede wszystkim nie lubię cię, nie lubię ciebie, bo tak naprawdę nie lubię cię, nie lubię ciebie. L'attend les bras ouverts. Elle ne vient pas. Elle reste à Paris, la maîtresse d'un prince royal en bonne fortune. Là, au milieu de son luxe, paisible, elle compose un dernier chef-d'œuvre de perfidie. Elle séduit le seul ami qui soit resté à son mari. Clémenceau l'apprend, c'en est trop. Il accourt, il se précipite chez elle. Il la revoit, il la trouve charmante, amoureuse, car elle l'aime toujours. Elle est belle, elle est irrésistible. Que fait-il ? Il la possède une fois encore et il la tue. Brûlez-les yeux, brûlez-vous, brûlez-vous, brûlez-vous, brûlez-vous, brûlez-vous. Celui-là surgit au-dessus des brouillards d'autrefois avec un aspect sonore et fantastique, en jetant son ombre sur les années dépourvues d'événements qui le précédèrent et le suivirent. Cette histoire-là, je ne l'ai pas souvent racontée. Bien petit est le nombre de ceux qui l'ont entendu de ma propre bouche, et c'était des gens qui me connaissaient bien. De temps à autre, ils m'ont demandé de faire ce récit devant une réunion d'amis, mais je m'y suis constamment refusé car je n'ambitionne pas le moins du monde la réputation d'un Munchausen amateur. We'll be right back. Pourtant, j'ai déféré jusqu'à un certain point à leur désir en mettant par écrit cet exposé des fêtes qui se rattache à ma visite à Dunkelweiss. Voici la première lettre que m'écrivit John Thurston. Elle est datée d'avril 1862. Je la prends dans mon bureau et la copie textuellement. « Mon cher Lawrence, si vous saviez à quel point je suis dans la solitude et l'ennui, je suis certain que vous auriez pitié de moi et que vous viendrez partager mon isolement. Souvent, vous avez vaguement promis de visiter Dunkelweiss et de venir jeter un coup d'œil sur les Landes du Yorkshire. Quel moment serait plus favorable qu'aujourd'hui pour votre voyage ? Certes, je sais que vous êtes accablé de besogne, mais comme en ce moment vous n'avez pas de cours à suivre, vous seriez tout aussi à votre aise pour étudier que vous l'êtes dans Baker Street. » Like a rock, like a planet, like a fucking atom bomb, I'll remain unperturbed by the joy and the madness I encounter everywhere I turn. I've seen it all along in the books and magazines, like a twitch before dying, like a pornographic scene. There it is. There's a flower behind the window. There's an ugly laughing man, like a hummingbird in silence, like the door on my door. It's the generator. There's a knife on the floor, like turbines in darkness, like the blood on my door. It's a generator. Emballez donc vos livres comme un bon garçon que vous êtes et arrivez. Nous avons une chambrette bien confortable, pourvue d'un bureau et d'un fauteuil, qui sont juste ce qu'il vous faut pour travailler. Faites-moi savoir quand nous pourrons-nous vous attendre, en vous disant que je suis seul, je n'entends point dire par là qu'il n'y ait personne chez moi. Au contraire, nous formons une maisonnée assez nombreuse. Tout d'abord, naturellement, comptons mon pauvre oncle Jérémy, bavard et maniaque, qui va et vient en chaussons de lisière et compose, selon son habitude, de mauvais vers à n'en plus finir. This new song called Queen Country. Je crois vous avoir fait connaître ce dernier trait de son caractère la dernière fois que nous nous sommes vus. Cela en est arrivé à un tel degré qu'il a un secrétaire dont la tâche se réduit à copier et conserver ses épanchements. Cet individu, qui se nomme Copperthorne, est devenu aussi indispensable au vieux que sa marotte ou son dictionnaire universel des rimes. Je n'irai point jusqu'à dire que je m'inquiète de lui, mais j'ai toujours partagé le préjugé de César contre les gens maigres. Et pourtant, si nous en croyons les médailles, le petit Jules faisait évidemment partie de cette catégorie. To the entre nous avons les deux enfants de notre oncle Samuel qui ont été adoptés par Jérémy. Il y en a eu trois, mais l'un d'eux a suivi la voie de toute chair et une gouvernante, une brune à l'air distinguée, qui a du sang hindou dans les veines. It's more than love, it's less than love, it's what I give to you. It's more than love, it's less than love, it's what I gave to you. You. All there is in the knowing that this never has to end now. Yeah. All there is to know. Printemps pur aux rives de la Méditerranée où s'étendait jadis l'élégant empire de votre nom. Parfois, la mer laisse voir sous la gaze de ses eaux une fleur marine, chef-d'œuvre de la nature. La dentelle de ses filets teints de pourpre, de bistre, de rose, de violet ou d'or, la fraîcheur de ses filigranes vivants, le velours du tissu, tout se flétrit dès que la curiosité l'attire et l'expose sur la grève. De même, le soleil de la publicité offenserait votre pieuse modestie. Aussi dois-je, en vous dédiant cette œuvre, taire un nom qui certes en serait l'orgueil. Mais à la faveur de ce demi-silence, vos magnifiques mains pourront la bénir, votre front sublime pourra s'y pencher en rêvant, vos yeux pleins d'amour maternel pourront lui sourire, car vous serez ici tout à la fois présente et voilée. Comme cette perle de la fleur marine, vous resterez sur le sable uni, fin et blanc où s'épanouit votre belle vie, cachée par une onde, diaphane seulement pour quelques yeux amis et discrets. Je t'aime déjà et je te connais pas encore. Je suis seul, mais je suis d'accord, extrêmement d'accord avec toi. Ton odeur, je te sens arriver. Je te vois pas, mais je te sens arriver. À ton odeur dans la nuit, je te vois pas, je ne vois rien. Et tu le sais, tu en profites. Je suis d'accord, terriblement d'accord. Je suis seul dans la nuit, sans personne, extrêmement seul. Je te connais pas, d'accord. Je te connais pas encore, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et je te connais pas. Je te connais pas encore. Mais je t'aime déjà. Je t'aime. Déjà. Je t'aime. Et je te connais pas encore. Mais je suis seul. Mais je suis d'accord. Extrêmement d'accord avec toi. Ton odeur. Je te sens arriver. Je te vois pas. Mais Calvin, this is my story. Summer coming, passes through, he's gotta find some hits to do. Grabs some blue ones from a friend, but for the next trip to wouldn't end. He'll just lie there on the floor, swearing he'll drop hits no more. But for now he starts to trip, and from reality he slowly slips. Turn into a table stone, cold and undressed. To run by the three dark fingers cutting on his chest. Blood is in his face, blinding him from sight. Fingers cover up his mouth and say he'll be alright. This time I drop the hit, this time it's too much, can't take this shit. Tripped up my brain, worked this drug, and 3 weeks later I'm so fucked. Sick and writhing on the floor, I don't want to trip anymore. Blinded by a flashing light, shadows say you'll be alright. Tied into a table so cold and undressed. Surrounded by the three dead fingers cutting down his chest. Bullets in his face, blinding him from sight. Fingers cover up his mouth and say he'll be alright. Three light fingers cutting off his chest.